Sur le principe, une ligne continue interdit le dépassement. C'est le cas lorsqu'il y a risque de collision avec un véhicule arrivant en face. Ici, j'approche d'un sommet de côte. C'est pourquoi le dépassement est interdit. Mais si je ne franchis pas la ligne, le dépassement est autorisé. Je dois laisser au moins 1,50 m pour dépasser le cycliste. Et je peux le faire ici sans franchir la ligne. Bien sûr, je vais devoir ralentir pour ne pas mettre en danger le cycliste. Réponse A.